Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. La mécanique des ondes. La mécanique des ondes. Cécile Rondeau-Arnaud. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 35e épisode de la mécanique des ondes, le temps file et le temps passe. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, nous allons passer trois quarts d'heure ensemble pour parler carrière radiophonique et actualité radiophonique aussi avec celles et ceux qui sont devant et derrière le micro. Aujourd'hui, je reçois Philippe Marty qui est responsable des programmes de France Bleu Nord. Philippe Marty, bonjour. Bonjour Cécile. Bienvenue. Merci beaucoup, merci de m'inviter. Ça fait drôle de se retrouver dans la position d'invité mais... Le micro, ça fait toujours plaisir. Oui, ça fait toujours plaisir, ouais, bien sûr. Alors, justement, quand on parle de micro, vous êtes au micro d'une radio associative. Je vous ai fait visiter avant, vous avez vu un petit peu les locaux. Est-ce que j'aimerais savoir si ça vous rappelle des souvenirs? Ah, plein de souvenirs. Les radios associatives, forcément, c'est par cette porte que je suis venu à la radio, donc dans les années 80. À l'époque, tout le monde était plus ou moins associatif, donc ça rappelle énormément de souvenirs. Et puis, j'oublie jamais les radios associatives parce que c'est des radios qui sont quand même énormément professionnalisés et qui sont malheureusement victimes de la conjoncture économique. C'est les premières victimes depuis 3-4 ans à peu près. Hein. C'est les seules radios qui ferment aujourd'hui en France. Donc j'ai toujours une petite pensée pour ces radios qui disparaissent faute de budget. Donc voilà, oui, je suis très heureux d'être ici. Ah, on y reviendra plus tard sur justement ce sujet-là. Je voulais savoir un petit peu qu'est-ce qui vous a amené à la radio déjà. Est-ce que lors de votre adolescence, on ne sait jamais, ça vous trottait déjà dans la tête? Oui, bah c'est l'adolescence, c'est toujours un moment où on est une véritable éponge et on est très très sensible à tous les stimuli. Et à l'âge de 11 ans, puisque en 80 François Mitterrand arrive au pouvoir, dans ses 110 propositions il y a les radios libres. Et puis moi j'étais derrière mon poste et j'ai assisté en tant qu'auditeur à toute cette explosion de radio en France et notamment en région parisienne. Et ça m'a séduit. Et je me suis retrouvé à assister à une émission de radio justement associative qui était juste en face de là où habitaient mes parents. Et là, la magie a opéré. Je m'en souviens comme si c'était ce matin, hein, vraiment. C'était un moment particulier, un moment d'émotion, un moment très riche, un moment magique. Et depuis, ça m'a pas quitté. C'était voilà. Une révélation. Ça a été une révélation totale et je me suis dit, c'est ce que je veux faire comme métier plus tard. Je savais pas quoi faire exactement dans cet environnement radiophonique, mais en tout cas, je me suis dit, voilà, c'est ce que je veux faire plus tard. Alors, les choses ont un peu débuté péniblement, puisque quand on a 11 ans, forcément, on a des parents derrière qui jouent un peu le rôle de chien de berger, donc c'est normal. Donc il a fallu un peu se battre pour affirmer ses positions. Et puis petit à petit, me voilà, à 46 ans maintenant, donc quelques années après. Alors vous essayez d'y rentrer dans cette radio associative ? Oui, alors j'essaye et puis j'y arrive, puisque de toute façon à l'époque il suffisait d'ouvrir la porte, de dire le mercredi après-midi je suis disponible, et puis on s'installait derrière le micro, et puis on faisait une émission, on amenait ses disques, et donc on apprenait à parler dans un micro, on apprenait à faire un peu n'importe quoi aussi d'ailleurs, enfin très très peu d'encadrement, et puis j'ai dû y passer, je sais pas, quelques semaines, puisque la radio a fermé très très vite. Voilà, c'était une époque où les radios ouvraient aussi vite qu'elles fermaient. C'est ça. Et donc la radio a fermé très très vite. Et puis il y a eu une longue période, on va dire, de passion, mais sans réelle pratique, jusqu'à à peu près 16-17 ans, où j'ai pu de nouveau me remettre en pratique sur des radios un tout petit peu plus grosses, mais toujours en région parisienne. Alors justement, 16-17 ans, si vous commencez à faire des émissions un peu plus importantes, on passe des disques, mais vous faites peut-être un peu autre chose. Alors à l'époque, on passe des disques pas mal. On commence à être un petit peu dans des formats, on commence à passer un peu une musique déterminée. Et puis dans la discussion d'un avenir professionnel, forcément avec mes parents, on discute. Et puis pour mes parents, il était hors de question que je fasse de la radio, et surtout que je passe des disques à la radio, hein, ça c'était pas possible du tout. Et donc, alors comme hobby certainement, mais pas comme métier. C'est pas un métier, tout le monde le sait maintenant. Et donc, en réfléchissant, je me dis bon bah tiens, pourquoi pas le journalisme aussi. Et à cette époque-là, je commence aussi à faire des reportages, des directs, des petites choses de ci de là qui ont un lien éditorial proche avec le journalisme. Donc je tâte un peu à tout, de la technique. Je tâte vraiment. C'était une époque où on pouvait toucher à tout, donc c'était vraiment plutôt une bonne école. Et donc voilà, je me mets à faire des directs et à apprendre un peu sur le tas. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est un apprentissage sur le terrain à 100%. Ouais, avec aucun moyen, quasiment. Enfin, avec voilà des bouts de ficelle, des studios qui partent en lambeaux, des bouts de micro à rebrancher, enfin des choses comme ça. Et petit à petit, on apprend à se débrouiller dans cet univers un peu chaotique hein, qui était la radio des années 80, fin 80 quoi. Alors ça décide forcément de vos études ensuite. Vous passez votre bac, vous l'avez. Alors je passe mon bac, mes parents sont contents, je l'ai. Je vais faire après des études d'art et de littérature, de philosophie, enfin bon bref. Et puis un événement dans ma vie survient et je me dis puisque c'était une maladie importante, face à cette maladie, il me reste peu de temps. Donc si je devais faire quelque chose de ma vie maintenant, qu'est-ce que je ferais? Et donc j'ai fini mes études de philosophie, etc. Et je me suis retrouvé dans une école de journalisme, puisque je me suis dit que bon bah à la rigueur, s'il me restait peu de temps, autant prendre son pied dans le reste du temps qui nous est imparti. Et donc je me suis retrouvé dans cette école de journalisme où ça a été un vrai bonheur pendant 3 ans. Et j'ai fait des rencontres et qui m'ont mis le pied à l'étrier. Et puis là, après, voilà, je me suis retrouvé en 92-93 journaliste entre guillemets professionnel à la pige en CDD évidemment, mais les premiers pas dans la profession. Voilà. Vous êtes perfectionné au final dans cette école de journalisme, sachant que vous avez beaucoup appris déjà sur le terrain. Oui, bah forcément, on se perfectionne, on apprend surtout entre guillemets les bases théoriques de ce métier qu'on n'a pas du tout quand on est sur le terrain. On est plein de mauvaises habitudes. Donc j'ai appris les règles théoriques de ce métier et puis surtout j'ai fait des rencontres exceptionnelles de gens que je vois toujours aujourd'hui, des professeurs qui m'ont accompagné qui ont cru, qui m'ont encouragé, qui m'ont offert des stages, parce qu'en fait les écoles ça sert aussi à ça. C'est le réseau. Voilà, c'est le réseau, donc les stages. Et pendant 3 ans, j'ai pas arrêté de faire de la radio quasiment jour et nuit en stage. Et puis je me suis retrouvé en fin d'études grâce à quelqu'un vraiment. S'il écoute cette émission, je lui tire une nouvelle fois mon chapeau. Qui s'appelle Jacques Thévenin, qui était le directeur de l'information des locales de Radio France à l'époque, avec Jean-Pierre Farkas. Et donc ces deux journalistes et ces deux personnalités que je vénère encore aujourd'hui m'offrent un mois à passer à France Bleu, enfin à l'époque à Radio France à Dijon, et je passe là un mois heureux et donc dans mon élément, et voilà, c'est en fait grâce à eux que cette modeste carrière a pu être lancée quoi. Voilà. Et ça va être le moment de la première pause musicale. Ah, bien, Philippe bien. Marty, ouais. Vous parlez beaucoup. C'est vrai. Vous avez choisi quoi en première pause? Alors il me semblait bien qu'il y avait un Steely Dan en premier, c'est ça hein? C'est ça. Ouais, Steely Dan. Alors Steely Dan, évidemment, Steely Dan c'est 2 références. La première c'est le générique d'une émission sur France Inter animée par Jean-Luc Hess, que j'ai adoré en tant que journaliste, Jean-Luc Hess. Donc cette mélodie de Steely Dan résonne encore dans toutes les bonnes oreilles, on va dire. Et puis Steely Dan aussi, c'est la découverte d'une musique qui vient des États-Unis et qu'on connaissait pas en France, qui était jouée par une radio qui a bien changé depuis, mais qui s'appelle RFM. Et on a tous été biberonnés dans les années 80 à cette musique. Et si je devais partir sur une île déserte, et ben c'est le morceau que j'emporterais avec moi. I was a dandy, yeah, my kind. Hey 19 de Steely Dan, c'est le premier choix de Philippe Marty. Ne m'en voulez pas, elle dure 5 minutes, on n'en passe que 2. Bon, je vais quand même rester, mais d'habitude ça ne se coupe pas. Hein. Je suis désolée, on vous a laissé Philippe Marty à la fin, de vos études. Non, si, à la fin de vos études oui, de journaliste. Bah oui, ouais. Où effectivement, vous passez donc un mois à France Bleu Dijon. Oui, c'est ça, Bourgogne, ouais. Et ouais. Alors vous découvrez tout, on vous envoie un reportage, information locale pure et dure. Oui, voilà, je découvre surtout des moyens énormes. Des moyens incroyables, il y avait des voitures, il y a toujours des voitures heureusement, une équipe importante, des moyens techniques importants, donc un mois de bonheur quoi. On ouvre le coffre à jouets et puis on met la tête dedans, on sort les trucs les uns après les autres, et ça a été voilà une expérience d'un mois fantastique qui après donc forcément m'a ouvert les portes du réseau France Bleu, enfin Radio France les locales à l'époque, hein. Et donc j'ai pris mon petit baluchon et puis je suis parti à Grenoble, il me semble bien, ouais, Grenoble, Avignon, enfin j'ai fait plusieurs locales. Donc vous intégrez le planning. J'intègre le planning. À l'époque ça s'appelait déjà le planning. Ça s'appelait déjà le planning, mais je crois qu'à l'époque, enfin c'est pas que je crois d'ailleurs, j'en suis sûr, à l'époque les conditions d'admission étaient quand même beaucoup moins serrées qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que moi j'ai pas eu, enfin les gens de ma génération ont pas eu à passer. Je crois qu'il y a des concours aujourd'hui, il y a des choses un peu forte. Moi j'y suis rentré parce que j'ai fait un mois de stage et hop, voilà, je me suis retrouvé. Il y avait moins de demandes à l'époque ? Il y avait peut-être moins de demandes, le métier était peut-être un peu moins précarisé qu'aujourd'hui. C'est vrai que faire journaliste, en tout cas à la radio et même à la télévision, hein, je parle pas de la presse écrite, mais enfin c'est quand même un métier qui se précarise énormément. Donc oui, il y avait peut-être un peu moins de demandes. Et puis bon, il y avait peut-être un peu plus de postes aussi à Radio France pour les jeunes journalistes qui arrivaient. Alors justement, Radio France, ça dure combien de temps ça dure très peu de temps, ça dure un an et demi à peu près. Et j'ai une proposition à Paris de BFM à l'époque qui est en train de se monter. L'idée était à l'époque de monter une espèce de France Info tout écho. Donc la radio se trouvait à Puteaux et je me retrouve pigiste quasiment à plein temps sur l'antenne de BFM qui donc était une radio d'information continue. Avec moins de moyens évidemment que France Info, hein, fatalement, mais entièrement basé sur l'écho. Donc voilà, là j'y ai quand même passé quelques temps. Et dans les 6 à 7 mois qui ont suivi, j'ai eu aussi là une proposition d'RFM pour pareil, de la pige, donc je mixais les deux. Je me suis retrouvé à la fois sur BFM qui naissait et RFM quand j'avais un petit peu de temps. Alors je reviens un petit peu avant, parce que effectivement lors de vos études de journalisme, est-ce que vous... Il y a certaines matières, entre guillemets, qui vous ont plus intéressé, politique, économie, culture. Alors on sait que voilà, dans certaines écoles de journalisme, on apprend peut-être un peu plus politique ou économie. Vous aviez déjà une appétence pour quelque chose plus que d'autres ? Alors pour l'économie, évidemment. Ça, l'économie, c'est toujours un sujet qui m'a énormément intéressé. Et puis dans l'école à l'ESJ Paris dans laquelle j'étais, il y avait une très très forte communauté africaine, subsaharienne. Et donc on avait énormément de cours sur l'Afrique. Et donc ça donnait lieu aussi à des découvertes incroyables, des rencontres géniales entre un petit Européen comme moi et puis un Africain qui venait faire ses études en France et qui repartait après dans son pays. Et donc des cours très très ouverts. Donc oui, j'étais très très intéressé, mais toujours hein, par l'Afrique subsaharienne, vraiment... c'était des sujets passionnants. Et ça a été un de vos points forts ensuite pour effectivement vous mettre en avant dans certaines antennes ou pas d'autres ? Pas vraiment. Enfin, en tout cas, l'Afrique, pas vraiment. Enfin, en tout cas, pas pour le moment. Mais non. Enfin, l'économie, évidemment, ça m'a un petit peu aidé sur BFM à l'époque. Mais autrement, non. On peut pas dire que cette appétence africaine ait pu m'aider dans la suite de cette carrière. Alors, RFM, si j'ai bien lu votre biographie, vous devenez rédacteur en chef de oui, RFM. Bah oui, je me retrouve rédacteur en chef à une période un petit peu difficile, puisque la radio déjà commençait à essayer de se dimensionner économiquement à ce que serait l'audience dans les prochaines années. Donc, Il y a eu quelques départs, notamment sur le réseau d'RFM et d'Europe 2 à l'époque. Donc ça n'a pas été toujours très très simple à gérer. On a fermé des locales, il a fallu faire des plateformes telles qu'on les connaît à peu près aujourd'hui, hein, d'ailleurs. Donc ça a été un petit peu compliqué. Et puis ça m'a permis, en tout cas moi, de découvrir une autre facette du métier qui est celle du management. Oui. Voilà, donc une porte s'ouvrait à nouveau vers un autre aspect de ce métier. Et une facette que vous connaissez encore aujourd'hui en tant que directeur des programmes. Responsable des programmes. Oui, bien sûr, c'est encore une facette que je cultive aujourd'hui. Alors après, voilà, est-ce que ça durera encore ? Ça, personne ne le sait vraiment, mais c'est particulier. Disons que gérer une antenne, enfin vous le savez mieux que personne, gérer une antenne, gérer des équipes, gérer des journalistes et gérer des animateurs, c'est pas du tout la même chose. Donc ça a été difficile au début. C'est toujours compliqué au début puisque on balance toujours. C'est compliqué parce que on balance toujours entre un management proche des gens qui nous correspond et un management entre guillemets un tout petit peu d'autorité puisque il faut quand même avancer et marquer des points d'évolution. Donc c'est toujours très difficile de trouver le juste milieu. Ouais, faut doser. Voilà, faut doser et puis quelquefois on se pose vraiment la question, est-ce qu'on est fait pour ça ou pas? Est-ce que ce serait pas mieux de revenir un petit peu aux bases et de refaire ce travail d'artisan à l'antenne plutôt que de gestion du personnel? Alors, je vois également dans votre biographie parenthèse radio. Moi, je veux savoir, je connais pas du tout. Ma parenthèse radio, ça a été l'étoile, voilà, j'ai jamais vraiment assez de qualificatifs pour qualifier cette aventure parce que ça a été une aventure mais d'une puissance, ça a été une aventure merveilleuse. Moi je suis arrivé en fait juste après le démarrage vraiment de la radio. Une radio, un ovni radiophonique dont la ligne éditoriale était la famille, qui est quand même le sujet, enfin il me semble, hein, le sujet fédérateur, l'espèce de tronc commun de toute une société. Donc on avait à l'antenne des talks, donc pas de musique, mais que du talk sur des thématiques familiales. Donc ça allait de la petite enfance jusqu'au couple, c'était très très large et que du talk show avec des auditeurs et des invités. Donc en termes de richesse éditoriale, c'était juste colossal. Et puis en termes de rapport avec les auditeurs, c'était merveilleux, c'est-à-dire qu'on avait des gens au téléphone qui se confiaient, qui posaient des questions, qui apportaient leur pierre au débat. Enfin, ça a été une richesse fabuleuse et je sais que c'est mon meilleur souvenir dans ce métier, vraiment ça a été grandiose. Voilà. On vous a appelé là-bas, vous avez frappé à la porte. Alors j'ai un peu des deux en fait. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai entendu que cette radio se montait et que l'ambition était d'en faire un réseau national. Et à l'époque, j'avais envie de faire du programme. J'étais encore rédacteur en chef, donc journaliste. J'avais vraiment envie de faire du programme. Là, on était sur de l'éditorial très fort. Donc, et quand j'ai découvert la thématique de la radio, je me suis dit, mais oui, c'est la radio juste, c'est la thématique qui nous manquait dans le paysage radio. Et je suis allé frapper à la porte. J'ai rencontré les dirigeants, les consultants, et puis on a fait affaire comme ça. Et je me suis jeté là-dedans sans trop réfléchir, en me disant voilà, c'est ce que je veux faire. Et j'ai bien fait de l'avoir fait vraiment. Et combien de temps elle dure cette aventure ? Cette aventure, elle dure un an et demi. C'est court. Ça a été court mais intense. Ça dure un an et demi. Ça se finit en eau de boudin au tribunal de commerce de Paris. Là aussi, ça a été très riche. On a tous appris plein de choses là-bas, évidemment. On a aussi rencontré plein de gens. Mais non, ça a été, voilà, ça s'est fini au tribunal de commerce. Ça a été un vrai drame pour tout le monde. Parce que on était tous sur une lancée extrêmement positive, extrêmement dynamique. La radio naissait, on en était à notre deuxième grille. Donc il y avait toujours beaucoup de jus. Les gens avaient vraiment envie d'y arriver. T'es convaincu que c'était le format qu'il nous fallait, qu'on pouvait le développer. Il y avait une bonne énergie. Une énergie fantastique. Des auditeurs aussi qui nous suivaient régulièrement, qui étaient extrêmement fidèles. Donc tout le monde y croyait et puis voilà, ça s'est terminé comme ça. Bon, malheureusement, de toute façon, on refait pas l'histoire. Hein, c'est comme ça. Et puis de toute façon, ça a été très très riche. Mais c'est vrai que voilà, je garde toujours un petit point léger de frustration quand même en me disant qu'est-ce qu'aurait été Parenthèse aujourd'hui par exemple. Ouais, il y avait voilà. Il y avait plein de choses à faire. Il y avait plein de choses à faire, plein de choses à développer, voilà. Et vous, qu'est-ce que ça vous a apporté en termes bah justement de management, d'éditorial, vous avez encore appris plein de choses ? Bah plein de choses, évidemment, moi j'étais rédacteur en chef, donc l'éditorial, je connaissais à peu près faire des confs de rédac, je voyais ce que ça pouvait à quoi ça pouvait ressembler, mais une architecture d'antenne, là pour le coup, je l'ai quasiment appris sur le tas, faire des horloges, j'ai appris ça sur le tas. Là, il y avait pas de musique du tout, donc les horloges étaient pas très très compliquées, mais enfin, il fallait quand même voilà, planifier les promos, essayer de prendre un peu d'avance, enfin tout ça, je l'ai appris aussi un petit peu sur le tas. Et puis, alors côté management, Parenthèse Radio, c'était un bonbon parce que tout le monde avait tellement envie qu'il suffisait juste d'appuyer sur le bouton ou de lever la main pour que tout le monde parte en courant. Donc, en termes de motivation, c'est pas ce qui a été le plus dur. Hein. Les gens étaient vraiment convaincus, donnaient de leurs heures, donnaient de leur temps, donnaient de leur énergie. Donc, j'ai jamais eu de soucis de management là-bas, vraiment. Et alors, comment vous rebondissez après Parenthèse Radio ? Ah bah après Parenthèse Radio, il y a eu un petit moment de flottement, voilà, où on a pris le temps de réfléchir un petit peu, même en famille. Et puis, alors qu'est-ce qui s'est passé après ? Trou de mémoire. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Il s'est passé la rencontre avec les dirigeants de Start. Quand j'ai dit tout à l'heure qu'on rencontrait plein de monde au tribunal de commerce, bah voilà, on se fait des amis. donc la rencontre avec les dirigeants à l'époque du groupe Start, donc Mathieu Kettel, Philippe Gault et un peu plus tard Jean-Éric Valli, et ce poste de responsable des contenus éditoriaux, c'est-à-dire que l'idée c'était d'avoir un référent éditorial programme et info sur les 8 radios du groupe. Donc il y avait à l'époque encore Sud Radio dans le groupe, il y avait Ado, Latina, Voltage, 8FM, Black Box, qui j'en oublie encore, enfin bon, il y en avait 8. Voilà, donc ça a été là aussi 8 radios disséminées dans toute la France, ça a été beaucoup d'allers-retours en avion. Donc voilà. Et puis une vision d'ensemble sur 8 formats, sur huit formats quasi voilà, ouais. Et une expérience là aussi d'une richesse incroyable, avec des personnalités là pour le coup totalement différentes que ce que j'avais pu connaître à Parenthèse Radio, mais voilà, une expérience extrêmement enrichissante. Et qui dure combien de temps du coup ? Qui dure près de 3 ans de mémoire, ouais, c'est ça. Voilà. Et ensuite vous rebondissez Alors ensuite, bah il y a eu un petit moment, quelques mois de flottement où j'ai retrouvé BFM à l'antenne, voilà, qui avait bien changé. Vous hein. Renouez avec vos premiers. Voilà. BFM qui avait bien changé, qui était devenu BFM Business, et puis Radio France, donc à Lille depuis un peu plus de 3 ans, voilà. Alors, c'est le moment de la seconde pause musicale, Philippe. Ah ah. Vous avez choisi quoi en deuxième ? Ah, du français. Oui. Et quel français ? Alors, vous avez choisi quoi ? Je vous laisse le dire. Ah bah j'ai choisi Mireille et Jean Sablon, c'est ça, hein, c'est Jean Sablon. Ouais, j'ai toujours un doute. Et cette chanson merveilleuse, si vous partez en voyage, je crois que c'est le titre exact. Puisque vous partez en voyage, chanson de 1935 qui rappelle plein de choses, qui rappelle cette ambiance particulière qu'on ressent toujours quand on quitte quelqu'un qu'on aime, qu'on laisse dans un train. Moi, je l'ai vécu il y a quelques années avec la personne avec qui je vis aujourd'hui, c'est toujours un gros pincement au cœur quand on laisse quelqu'un qu'on aime et qui s'en va en train, donc ça me rappelle à chaque fois ce moment particulier, et puis ça me rappelle aussi la radio des années 30, cette radio privée, où les orchestres venaient jouer en direct, bref, il y a un petit côté suranné, mais quand même actuel. C'est gentil de m'avoir accompagné à la gare. En me voyant, monsieur. Ah si, et puis ces fleurs, ces bonbons, ces journaux. Savez-vous que c'est la première fois que nous nous séparons depuis que c'est arrivé ? Remarquez que 15 jours, c'est pas très long. Non, évidemment, 15 jours, ça n'est pas très long. Mais songez tout de même à ce que ça fait d'heures, ça. Puisque vous partez en voyage. Puisque nous nous quittons ce soir. Mon cœur fait son apprentissage. Je veux sourire avec courage. Voyez, j'ai posé vos bagages. Marche avant, côté du couloir. Et pour les grands signaux d'usage, j'ai préparé mon grand mouchoir. Dans un instant, le train démarre. Vous resterez seul sur le quai. Et je vous verrai de la gare me dire adieu là-bas avec votre bouquet. Promettez-moi d'être bien sage, de penser à moi tous les jours. Et revenez dans notre cage où je guette votre retour. Voilà, je vous ai trouvé une bonne place dans un compartiment où il y a une grosse dame et un vieux curé avec une barbe blanche. Oh, tu crois que je serais très bien? Et puis je vous ai acheté deux livres. Ah. Et voilà le premier, c'est La vie des saintes. Et l'autre, c'est L'imitation de la bienheureuse Ernestine. Ça vous plaît ça? Beaucoup. Puisque vous partez en voyage, vous m'avez promis, ma chérie, de m'écrire 14 pages tous les matins ou davantage pour que je voie votre visage. Baissez la vitre, je vous prie. C'est affreux, je perds tout courage. Et moi je déteste Paris. Le contrôleur crie en voiture. Le cochon, il sait pourtant bien que je dois rester, mais je jure que s'il le crie encore une fois, moi je viens. J'ai mon amour pour seul bagage. Et tout le reste, je m'en fous. Puisque vous partez en voyage, mon chéri, je pars avec vous. Mireille et Jean Sablon, puisque vous partez en voyage sur Fréquence Protestante, c'est le deuxième choix musical de Philippe Marty. Vous êtes toujours dans La Mécanique des Ondes. Vous ne vous endormez pas, hein? Non, pas du tout. Et je me faisais la réflexion, c'est génial, parce qu'à la fin de la chanson, Jean Sablon part avec Mireille, quand ouais, même. Hein, il monte dans le train, il s'en va avec elle, quand même. Ouais, c'est... ils ont de la chance. Bah, voilà. Ça donne envie, d'ailleurs, de partir carrément en voyage. Philippe Marty, on vous a laissé à votre entrée à France Bleu Nord, mais je voulais revenir un petit peu avant, dans votre parcours, parce que vous faites des formations. Alors, vous avez fait des formations, vous en faites peut-être toujours. C'est important pour vous de transmettre, justement, toute cette pédagogie. Ah, c'est essentiel pour deux raisons. La première, c'est que la radio, c'est une passion. Donc, j'aime la transmettre. J'aime essayer de la faire partager aux jeunes, même si, voilà, on le sait, hein, malheureusement, les jeunes écoutent de moins en moins la radio, ils sont de moins en moins sensibles à l'objet radiophonique. Donc, il faut s'armer de courage pour essayer de leur vendre le truc. Ça, c'est la première chose. Transmettre une passion, c'est génial. Et puis, la deuxième chose, c'est que là aussi, on l'a fait pour moi, vraiment. J'ai pu croiser des gens dans ce métier qui n'ont pas hésité à mettre le pied à l'étrier, même à mouiller un peu le maillot pour m'accompagner. Donc ça me paraît vraiment normal de faire une sorte de retour d'ascenseur pour ceux qui le souhaitent et qui sont ouverts à la radio, oui, bien sûr. Alors vous faisiez des formations en quoi spécifiquement ? Alors. Moi, je suis vraiment centré sur le journalisme, donc l'écriture, les flashs, les reportages, voilà, ce qui est vraiment le cœur du métier. Mais avec l'expérience programme aujourd'hui, on peut, je fais deux ou trois petites choses en plus. Donc là, par exemple, avec certains étudiants, on fait des demi-heures d'antenne globale avec du programme, pas simplement de l'info. Donc ça permet de mettre dans l'enseignement un peu plus de choses. Et vous voyez, hein, donc la nouvelle génération qui va arriver sur le marché très bientôt. Et voilà, et donc il y a quand même de grands talents, il y a des gens qui ont le feu sacré. C'est un petit peu comme je fais souvent le parallèle avec la voile, c'est-à-dire qu'on dit au navigateur quelquefois vous avez le sens marin parce que le réglage du bateau on n'a pas besoin de on le sent quoi, voilà, donc ça c'est le sens marin. Et ben il y a des gens qui ont le sens de la radio et ça se voit tout de suite. Ce sens compétence innée quasiment de, voilà, de la science radiophonique. Alors, il y a 3 ans, donc vous êtes rentré à France Bleu Nord. Mm-hmm. Comment ça s'est fait, du coup, cette arrivée ce retour? Oui, bah, c'était un retour. Ça, là aussi, le réseau avait vraiment bien changé. Bah, ça s'est fait assez naturellement au bout d'un processus de recrutement. Alors après, passer, entre guillemets, comme on dit maintenant à Radio France, du privé à Radio France, c'est jamais très très simple. Mais c'est très intéressant, c'est en tout cas pour moi. Très enrichissant. Mais enfin bon, c'est vrai qu'on a un peu l'impression d'être jeté dans un grand bain d'eau froide. Donc il faut s'acclimater à cette planète, parce que Radio France, c'est une planète à part. C'est une planète du système solaire radiophonique. C'est vraiment un petit monde à part. La maison est ronde. Bah, Radio France, c'est un peu une planète toute ronde aussi. Et voilà, donc c'est un monde qui, là aussi, hein, c'est un monde d'une richesse incroyable, avec des savoir-faire phénoménaux, avec des gens, on parlait de la science radiophonique, avec des gens qui ont vraiment, là, pour le coup, à la fois le sens radiophonique, le savoir-faire, pour certains la pédagogie, c'est vraiment un lieu pour apprendre qui est merveilleux, quoi. Alors, France Bleu Nord, vous n'êtes pas dans une région facile aussi, qui fait des fois, souvent, enfin, même souvent l'actualité. Mmh. Comment vous gérez vos équipes? Vous avez combien de personnes à peu près sur cette antenne? Il y a une dizaine d'animateurs et quelques cachetiers, ce qu'on appelle donc des gens qui sont à la pige, en tout cas au programme. C'est l'une des plus grosses locales du réseau. C'est aussi une des plus grosses en termes d'audience. Donc c'est une espèce de grand paquebot qui est là depuis plus de 30 ans. Et tout à l'heure, on parlait de la relation avec l'auditeur. Ce que j'ai trouvé de magique en arrivant là-bas, c'est que les auditeurs sont attachés depuis au moins 2 générations à cette radio. C'est-à-dire que quand vous faites un extérieur, que vous vous déplacez, les auditeurs, vous faites partie de leur famille, mais vraiment. Et ça, je l'ai découvert parce que j'avais pas eu l'occasion vraiment de tâter ce contact réel, charnel, quasiment avec l'auditeur. Donc ça, c'est vraiment merveilleux. Et puis, bah, c'est une équipe qui est chevronnée, qui connaît son métier, qui est là depuis très longtemps. Donc voilà, c'est une station qui a fonctionné et qui fonctionnera encore, qui roulera encore très bien, j'en ai aucun doute. Alors, pour bien comprendre et pour que les auditeurs comprennent, lorsque vous voulez changer une grille, vous, en termes de directeur des programmes d'une antenne, oui, il faut en référer à la direction nationale. Oui, alors c'est disons que ça se passe pas tout à fait comme ça. C'est que il y a un format France Bleu, il y a une ligne éditoriale France Bleu, il y a des directives qui sont effectivement décidées par la tête de réseau, par la direction du réseau, et ces décisions elles redescendent aux radios locales, aux 44 pour l'instant, aux 44 locales qui appliquent les préconisations de la direction du réseau, avec quand même pas mal de liberté. À la fois éditoriale, puisque on peut régulièrement faire des extérieurs, ouvrir l'antenne pour des émissions particulières, mais à la fois aussi en termes de, je dirais, alors en termes de style d'animation, puisque nos animateurs sont quand même assez libres et pas trop formatés aussi, donc ce qui leur donne un caractère très très humain. Donc sur une antenne ou même sur plusieurs locales, vous pouvez avoir des personnalités vraiment vraiment différentes. Il n'y a pas d'uniformité au sens réseau privé du terme, quoi. Voilà, ça reste encore assez coloré et assez divers. Alors moi, je voulais savoir si l'antenne ne vous manque pas en tant que journaliste. Évidemment, ça manque toujours un petit peu. Donc dès qu'il y a un micro qui traîne, dès qu'il y a un truc à faire, lorsqu'il y a un animateur qui est pas là, c'était vous qui... C'est arrivé, oui, bien sûr. Lorsqu'il faut faire un extérieur et que un tel ou un tel est pas disponible, ben on s'y colle, hein, évidemment. Mais oui, ça manque un petit peu quand même. Ouais, ça manque et ça commence vraiment à... Je sens que ça va revenir, là, que ça commence à me titiller un petit peu. Ah, je sens qu'il va avoir des scoops, Philippe Marty. La mécanique des ondes. Jacky Gallois, le directeur des études du Studec, était l'invité précédent. Il vous pose une question, Philippe Marty. Bonjour, Philippe Marty. Alors, je sais que tu as quitté le Nord. C'est le Nord, France Bleu Nord, pour revenir à Paris. Nous, on s'est connus dans le groupe Lagardère, si j'ai bonne mémoire. Tu travaillais à RFM, je t'écoutais. Là, tu es à Radio France, tu es basé dans la grande et belle maison de la radio. J'ai 2 questions, Cécile, si je peux me permettre. 2 questions. Quand vas-tu refaire de la radio? Première question. Et la seconde, Quand va-t-on déjeuner au Studec ensemble, Philippe ? Je crois que c'est pour bientôt. La radio, j'en fais toujours. Je pense que Jackie sous-entendait peut-être de l'antenne. Ça, je sais pas vraiment encore. C'est vrai que c'est quelque chose qui me titille un petit peu. Donc voilà, on va voir. Peut-être, on ne sait pas. Et le déjeuner, bah évidemment, oui, je pense qu'on va se voir bientôt puisque on avait dû planifier quelques rencontres avec les étudiants. Donc évidemment, on va se revoir. Ça me fait plaisir que ce soit Jackie qui pose la question parce que j'ai beaucoup d'estime pour Jackie. On dit souvent que dans ce métier, on rencontre des gens qui sont pas forcément très réglo, très très bien, etc. Jackie est quelqu'un de profondément humain. C'est une amitié de maintenant plus de 20 ans. Et c'est rare, hein, une amitié de 20 ans, sincère, sans qu'il n'y ait pas vraiment de nuages. Donc voilà, Jackie est quelqu'un d'humain que j'aime profondément, donc ça m'a fait plaisir d'entendre sa voix. Et d'ailleurs, pour le moment, il fait son petit break, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Il nous réserve bien des surprises, le Jackie. Toujours, toujours. Justement, pour une fois, on a le temps pour terminer sur le questionnaire rapide. Alors, il ne sera pas trop rapide. Philippe Marty, vous avez le temps de répondre aux questions. Tout d'abord, un homme de radio qui pourrait être votre modèle. J'ai parlé tout à l'heure de Jean-Luc Hesse. Voilà, j'ai beaucoup aimé, beaucoup apprécié Jean-Luc Hesse comme journaliste. J'écoutais Synergie quand j'étais étudiant. J'allais à Inter 13-14 à l'époque à la maison de la radio. Il était accompagné par quelqu'un aussi d'exceptionnel qui a quitté le métier, qui s'appelle Gérard Zenoni. Il présentait le journal à deux voix, donc Jean-Luc Hesse. Dans l'émission, je reviens à Synergie et à Stylidan, etc. Dans cette émission, il y avait toujours un billet d'humeur au début de la tranche, et je le trouvais mais d'une liberté corrosive. Et voilà, et j'ai toujours adoré ce ton. Et quand il est parti à Radio Classique, je l'écoutais le matin aussi. Et donc voilà, c'est quelqu'un que j'ai jamais rencontré, mais enfin. À part évidemment au cours de ces journaux, mais que j'ai jamais eu en tête à tête, mais voilà, j'ai beaucoup d'estime professionnelle pour cet homme. Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence ? La radio qui résumerait mon enfance et mon adolescence, il y en a plein. Mon enfance et mon adolescence. Bon, évidemment, il y a RFM forcément. Et cette découverte de cette musique venue des États-Unis. Et puis pour en prendre une un peu extrême, Radio Bleu. Radio Bleu, que là aussi c'était une porte ouverte vers tout un univers musical, un style d'animation que je connaissais pas du tout. Alors la radio n'existe plus aujourd'hui, mais découvrir cette musique de l'avant-guerre et pour une partie aussi de l'après-guerre, pour moi, en tout cas adolescent, c'était un grand, grand, grand moment. Quelle radio vous réveille le matin ? Alors quelle radio me réveille le matin ? Alors un petit peu toutes. Évidemment France Bleu Nord, mais un peu toutes les radios en ce moment. Je me réveille avec Radio Nova, qui a réembauché Édouard Baird. Et j'avoue que à l'époque de la grosse boule de cette émission mythique de Radio Nova, j'en manquais pas une miette. Et donc là, je suis devenu accro. Ah, vous êtes devenu accro, d'accord. Voilà. J'en ai écouté une ou deux là. Je commence un petit peu à m'y faire au style Édouard Baird. C'est un style qu'on n'entend plus du tout. Du tout. En radio, justement. Quelle radio vous endort le soir ? Alors, quelle radio m'endort le soir ? Il y a France Inter qui m'endort un petit peu le soir quand même, mais il y a aussi beaucoup de podcasts, et je me suis mis à réécouter les dramatiques que produit Radio France, notamment France Culture, mais aussi France Inter, dans l'émission de Fabrice Drouel l'après-midi, le vendredi, il y a une dramatique que je peux pas toujours écouter, donc je me réécoute cette dramatique le soir, voilà. Un endroit où vous écoutez toujours la radio ? Alors, la voiture, évidemment, et dans la rue, lorsque je suis avec mon smartphone, quand je suis en portée de réseau, oui, j'écoute la radio. Et un endroit où vous ne l'écoutez jamais ? Où je l'écoute jamais, je crois que je l'écoute jamais dans ma chambre à coucher. Pourtant, on a une chaîne IFI sympa, mais j'écoute pas la radio dans la chambre à coucher. Votre meilleur souvenir de radio, s'il n'y en a qu'un à retenir ? Ah bah, c'est Parenthèse Radio, évidemment. C'est le souvenir, c'est la grande expérience, c'est l'étincelle. Et le pire ? Et le pire, mais en fait, il y en a pas de pire. Le pire, ça n'existe pas, en fait. C'est juste une expérience un peu malencontreuse. Mais il n'y a pas de pire. Il n'y a pas de pire expérience. Toute expérience mérite d'être vécue, enrichie. Il y a toujours des aspects extrêmement positifs où on apprend énormément de choses, même avec des gens avec qui on s'entend pas du tout. Ça a été le cas forcément. Donc on apprend des choses. Donc il n'y a pas de pire. Il n'y a pas eu d'expérience vraiment que je referai pas en tout cas. Et pour terminer, un conseil à donner à quelqu'un qui veut faire de la radio, et peut-être du coup à vos étudiants. Il faut avoir la foi, il faut avoir les dents vraiment bien acérées, parce que ça va être de plus en plus difficile. La radio du futur proche va être une radio totalement différente, sans doute avec moins de flux, beaucoup plus transversale sur des canaux multiples. Donc t'appelles ça aussi le cross-média, on est d'accord. Cross-média. Voilà. Et d'ailleurs, le site de France Bleu, je me permets de le dire, est extrêmement vraiment un site cross-média. C'est vraiment comme ça qu'on peut vraiment l'appeler, avec du texte, des photos et du son. Voilà. Maintenant, on va aller vers ce type de journalisme. Ah ben, il y a des chances. Ouais. Donc, il faut être polyvalent et surtout vraiment avoir la foi, parce que le métier de journaliste et le métier en général d'homme de radio ou femme de radio, c'est un métier, des métiers quand même qui se précarisent. Donc, voilà, il faut vraiment avoir la foi. Vous êtes à Fréquence Protestante. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Vous êtes au bon endroit pour dire ça. Il faut quand même travailler aussi, en plus d'avoir la foi. Oui, mais bien sûr, il faut beaucoup travailler. C'est pour ça que... Mais la foi est un vrai moteur. C'est-à-dire que il faut être physiquement endurant. C'est-à-dire ne pas hésiter à faire des heures. Il faut être toujours là. C'est-à-dire que... Et surtout cultiver son réseau, évidemment. Ça, le réseau, c'est essentiel. Moi, j'ai aucune fausse pudeur par rapport à ça. Il faut faire des rencontres. C'est ce que je dis aux étudiants. Hein, profitez-en. Vous êtes dans une école, vous faites des rencontres, gardez le contact avec vos professeurs. Voilà, il y aura toujours une pige par là, un CDD par là. C'est comme ça que ça marche. Merci beaucoup, Philippe Marty, d'être venu. Avec plaisir. Merci de m'avoir invité dans cette belle radio. Cette émission, vous pourrez la réécouter sur le www.fréquenceprotestante.com et le site dédié, bien sûr, de l'émission www.lamecaniquedesondes.com. À bientôt.